mentale. Je traîne avec Bokali, la mentale. Arrête de rapper, toi. Arrête de rapper. Bouba, il écoute. T'es lamentable. Il écoute du rock, de l'électro. Sur un plan, on est complètement gazé. Et du classique. Sur un plan, on est complètement gazé. Il y a des métaux et des coupes aiguisées. Sur le R, il y a le feu qui est déguisé. Mais c'est pas ça qui nous empêche d'encaisser. Laisse-moi 30 secondes là pour t'aller casser. T'es un proche lion, toi t'es la gazelle. Non, toi t'es la gazelle. Je fais des versets. Gros bisous. J'ai moi, c'est que je suis bon entouré. Toi tu dégaines tout, t'arrêteras. Je crois dans la canine, t'es déjà écalé. Belek, y'a un bon odora. Belek, y'a un dora, dora. Un bon odora. Je prends Dora, je mets tout dans sa cadora, Dora. J'ai chanté un pâtier Dora. C'est de la peuf, elle me dit qu'elle a adoré. Xati, je répète depuis Versace, ça me fait de l'amour. Le passant a senti, sûrement misé comme le Jordan Sancho. Constant, t'es pas my man, t'es pas le Sancho. Tu hachis, hachis, on s'achète. T'es gros, qu'un gâchis. Et chanter le retour au chantier. Ok. Hey, Kevin. Hey. Moi, voilà. J'ai une infoscience. Infoscience, oui, la chronique de science de Kevin. Chronique de science. En bref. Alors, une nouvelle exoplanète tout près de nous. Des astronautes ont découvert une exoplanète autour de l'étoile de Barnard, l'une des plus proches de notre Soleil. La découverte publiée ce mardi dans la revue Astronomy and Astrophysics est le fruit de 5 années d'observation menées dans le désert d'Atacama, au Chili. Cette exoplanète se trouve à seulement 6 années-lumière, une année dure 3 jours terrestres, pardon. Et il y fait 125 degrés Celsius quand même. C'est bien, là, il faut te traiter parce que dans 8 minutes, c'est la directe. Là, c'est l'échauffement. Coiffé et tout. C'est bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait penser, 125 degrés sur cette planète? Merci. Et vous voyez, là, c'est les. Après, je vais vous dire, on dresse ça. J'écoute la température de l'atelier. Une année, il dure 3 jours terrestres. Rendez-vous compte. Parce que c'est l'ingé son qui écoute là. Ça va bien. Des fois, quand on a 125 degrés Celsius à la surface. Doudou, après ça va. Quand l'autre, après, on est bien. C'était dans le cacahuète. En plus, c'est énorme. Je sais pas, m'a pas fait tout. Il vient pas là aujourd'hui. Je suis déçu. Mais il va venir me voir, mais après, je sais pas. Je cherche toujours ta princesse. Attends, Jason, il est amoureux. On va dire Anne. Non, jamais next, on consomme la jamba. On a, ouais, voilà, on a une annonce à faire. Non. Elle me voit dans le tout, elle veut jamper. Elle sait même pas laver ou jamper. Tu connais le jamper, non? Jamper, c'est pour se laver, là, les trucs, là. Ah ouais? Ouais, le. Ah, dur, mais c'est. Pas de métal. Où les Africains se lavent. Ça, on appelle le jumpé. Toi, tu te laves avec des gants de toilette. Ouais. Oh. Après, ouais. Au pays, il y a beaucoup de trucs à chenou. Bon, on commence comment aujourd'hui? Vas-y, je rappe. Vas-y. Mets-moi une instru. Mets-moi le son que je veux mettre. Mon nom d'artiste, c'est CJ maintenant. C'est plus Didi, parce que tu vois, Didi, tu connais le rappeur Didi aux États-Unis, ce qu'il a fait déjà. Je peux plus porter ce nom. Maintenant, c'est CJ. Voilà. CJ. Donc, C-I-D-J-A-Y. CJ. CJ. C'est un artiste qui s'appelle Lamano Aisei. Le son, c'est Aisei. Je vais te dire, voilà, on va commencer aujourd'hui la radio avec CJ. Là, tu dis, bon, non, c'est là, je vais te parler de ça. Tu veux que je parle de quoi? Tu te présentes le titre, quoi, de la chanson. Non, t'inquiète. Mais si. T'inquiète. Ça, des gens te repèrent. Tu peux chanter, il faut se présenter. Ouais, j'étais parlé de mon truc et je mangeais. Donc, après toi, après CJ, c'est... Vas-y, vas-y, mon rock, c'est carré. Kevin, après, vas-y. Ça va. Moi dry, hein. Et j'ai rien fait. On chante pas. Moi j'ai fait la chronique des sciences. Là. Regardez, vous étiez là quand je l'ai dit. On regardait ça à capella total. Ouais. Non, arrête. On n'a pas de. Ah si, tu peux te mettre des sons. Attends, tu peux pas comme ça, dis-moi. On va sur YouTube. Oui, dis-moi. Tu t'en prends là. Après, tu mets espace la mano. Tu mets là, espace la mano. Espace. T'as un clavier, Martin, c'est mieux, là, t'écris. Tirer du bas, Mano. On a écrit une table. Espace, tirer la Mano. I say. En anglais, I say. Espace, la Mano, tout attaché. Non, pas attaché, hein. Espace, la, L-A, espace, la Mano. D'abord, c'est la. L-A, espace, la Mano. Espace, Mano. Ça s'appelle I say, le titre. I say, quoi, en anglais. Ouais. Instrumental, c'est ça? Non. Instrumental, c'est quoi, la mano. Tape la mano. C'est ça, essaye instrumental, j'ai pas. C'est pas une instru. Je vais pas, c'est pas. Très bien. Mets le son complet. On va voir si ça marche. Ouais. Y'a pas de casque? Bon, c'est pas grave. Je rentre dans la cabine, gros pitou, pec. J'ai un pompe, j'ai pas de pec. Les hops, ils boitent, y'a que ça dans ma tête. Arrête de gangue, tu te fais démonter. Ma lame te découpe comme la mentale. La mono, t'as un flot de malade mental. Je traîne avec Bocali et la mentale. Arrête de RAP, t'es lamentable. On est complètement gazé. Y'a la méthode des coupes aiguisées. Sur le R, y'a le feu aiguisé. Pêche d'encaisser. 30 secondes, tiens, c'est la gazelle. C'est gazé. Gazo. Touré, Tou Taron Toura, c'est doré. Ah, je suis perdu là. Dans sa cas, Dora. Doré, Xati, je répète depuis Versace, ça me pue dans la moula, je passe à un senti. Sur moi, faut miser comme ça, Zanto. T'es pas le Sancho. Y'a du hachis, t'es haché, sachet. Ah, ok. Je connais pas le texte par cœur. Ok. Bitume, je saigne. Arrêtez le bruit. Ah. RP, rien d'intégral, I say. RMT, rien d'intégral, I say. Je balance que du sale. Partout, je rajoute mon grain de sel. Si toi t'es végétal, bah moi je suis sel. Comme t'es mal à sel. Bitume le saigne, arrêtez de l'adverge, j'essaye. RAP, un intégral, I say. RAP, rien intégral, I say. Je balance que du sale, partout, je rajoute mon grain de sel. Si toi t'es végétal, bah moi je suis sel. Elle veut ma queue qu'elle, t'es mal à sel. On a grandi dans le style, méchant comme Stone Cold, Steve Austin. T'es grave, Mastin. Un style, une astasse. Dans sa lita, passe à l'attaque. Un excès de ta carte, t'es la neige. Ma lunette, même tes lunettes, le rookie de l'année. Dans la mallette, marionnette. Pris bouillant ses jumpo, on revend la jumpa. Elle me voit dans le tour, elle veut jumper. Elle sait même pas laver ou jumper. Je suis avec Alicia dans le duplex. Elle me suce à la zéro complexe. Je suis flex, mais je rallume un doré. Dans le hall, j'ai les yeux rouges comme un. Et je me vesquis. Tu te vois une pastille. Oh, Pasqui, Bouskaï. Ah putain. Ah, je connais pas le texte par cœur, ça me casse la couille. Je la mets à nouveau parce qu'en une minute on est en direct là. Ah, bon, attends, je commence moi par moi. Ah putain, c'est dur quand tu connais pas le texte. Commence. Bon, je vais y aller. Ah, vous restez là. Je rentre chez moi. Je suis pas arrivé. Je suis dans le concert. Bon, c'est chaud. Merci, on commence en une minute. Bon, c'est toi qui commence là. Hein. Okay. Moi qui commence. Comment tu t'appelles déjà? Au revoir, bonne route. Jay. CJ. Et après, c'est qui? Après, c'est Kevin. Et là, tu vas me mettre une instru, je vais faire un de mes freestyle. Tu vas me mettre une instru. Bah, je l'ai même. Attends, je l'ai même. Mets-moi une instru. Je l'ai même, quoi, ou non? Tu vas me mettre. Attends. Bonne fin de journée. Aussi, au revoir. Aussi. Quoi, je vais te dire. On y va, on est en direct d'un. Attends. Oui. Ok, on est en direct, on est sur Radio Métanoïaque, on est en, comment dirait, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, mais ça fait du bien, un peu du calme, et on va commencer cette journée en, déjà en demandant la paix dans le monde, parce qu'on en est marre des guerres, des bombes, de tout ça. Et on va plutôt mettre notre énergie dans la voix, l'art, la musique. Parce que le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix, c'est la création. Voilà. Et on a aujourd'hui un nouveau artiste qui vient d'émerger, c'est CJ. CJ, salut CJ, tu es là? Tu m'entends? CJ, tu es là? Il cherche le son, il cherche le son qu'il va chanter. Et après, on a Kevin qui va nous faire la chronique de physique, la chronique de sport de Jason, et le rap de ton nom d'artiste là. Tu prends, dis-le au micro. Ouais, c'est un Pierre, voilà. Petit soldat, mais. Pierre. Vas-y, si je te mets la même, parce que sinon. Ok, mais je pourrais la mettre là. Ok. Tu veux pas essayer avec la même là? La mano? Mais là, parce qu'on ne peut pas la passer sur le... Oh, attends, je vais te la mettre sur un micro. Voilà, attends, donne. Si j'arrive à... C'est ça. Ah, oui. Et moi... Ouais. Bizarre, je peux te niquer ta race. Si tu me rends pas besoin d'avoir un boomara sur le terrain, je te casse les jambes comme à là-bas. J'ai appris ça dans le 9-3, je suis un poulard dans le sang de les veines. J'ai failli mourir, j'ai fait un pet, je fais le vœu de pas manger les restes. Je l'ai piné, tu vas la fiancer, elle a les mêmes déhanchés que Beyoncé. T'es en parfume trois fois filtré, t'allumes la mèche été, éméché, pas d'alcool ou de panaché. Passant j'ai fait même des péchés, la pécho on fait des passes des, chez nous que des négros fâchés. Zach, nah. J'ai appris ça dans le 9-3, je te casse les jambes comme à là-bas. J'ai appris ça dans le 9-3, je peux sortir un côté sauvage. J'ai appris ça dans le 9-3, t'es pas un chaud, tu fais le malade. J'ai appris ça dans le 9-3, tu prends ta con si tu la chaves. J'ai appris ça dans le 9-3, les poucaves dans le ravin. J'ai appris ça dans le 9-3, quand y'a les bleus, on crie ça passe. J'ai appris ça dans le 9-3. Pas vendu la drogue, moi j'étais dans les Rix. Je voulais pas, je voulais Léa, je voulais. Ah putain! Putain! Ah, bah, laisse tomber, laisse tomber. Ouais, c'est très bien. Ça va, tu veux enchaîner là? Après, c'est toi. Oui, alors tu peux te présenter, c'est toi, ton nom, c'est quoi? Ouais, l'équipe, moi c'est MTR. Vas-y, MTR. Enfin, petit soldat, tu connais. Ouais, MTR. Ouais, vas-y. Les gens du soldat. Ouais, on est moins les soldats ici, mais c'est pas grave. Mais t'inquiète. On est soldats de la joie. Mon grand-père, c'est un soldat pour te dire. Mais on est comme ça, on est soudés. Vas-y, on fait un petit freestyle, c'est chaud. Vas-y. Vas-y. Avec ce cheveu bleu là, vas-y, on dirait un tragibus bleu, mon pote. Vas-y. Tu veux pas tomber? On dirait un son, on dirait un arc-en-ciel. Bon, ça va, hein. Arc-en-ciel. D'accord. J'ai entendu pire des insultes, quand même. Ah, c'est sympa. D'accord. Tu as l'arc-en-ciel, ça le fait. Voilà, on est sur Metanoia. C'est calme aujourd'hui, non? Par rapport à d'autres fois, ça. Parce que d'autres fois, c'était pas comme ça. En général, ça explose. Ça défile, ça danse. Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est bien les deux, je dirais. Hein, mais... Ça fait du bien, un peu, tu vois. C'est bien les deux moments. Là. L'instru, s'il te plaît. Quoi? L'instru. Là, c'est un problème de connexion, mais sinon, tu peux pas le mettre sur ton. Ou CJ, il peut le mettre sur son téléphone. Et tu fais comme, et tu mets les micros. Sinon, je peux mettre un instru, mais sur le. Tu veux quoi comme instru? Un instru à l'ancienne, tu vois. À l'ancienne. Attends, ok. Ouais, à l'ancienne. À l'ancienne. Qu'est-ce qu'on mettrait à l'ancienne? Tu vas trap. Ouais. Trap. Voilà. Ouais, trap, ouais. Trap. Et trap, c'est cette suite, hein. Trap, ouais. C'est quoi la différence déjà entre les trap et les cloud? Je sais pas. Je sais pas. Non. C'est quoi le cloud? T'aimes bien? Ouais. Vas-y, mets un micro comme ça, on l'écoute. Hey, c'est MTR, enfant soldat, petit soldat. MTR, c'est le sang de la veine, les liens de l'oseille, du CPD dans la zone. Non. MTR 93, c'est le sang de la veine, les liasses de l'oseille, du CBD dans la cité d'or. Il y a plein de cités de la France d'assister, c'est magique. Il faut plus de l'oseille pour les requins dans la zone. De la France, il y a plein de voyous dans la zone, plein de Gova, de Dixo à Bondy. Les soldats, c'est comme des buffles à tout le monde. Arrive dans la cité à Bondy, c'est magique. Il y a plein, il y a Doudou dans la chop. Il y a la focus. Tu roules comme Taxi 5. Il y a Doudou au 9-3, c'est la jungle humaine. Il y a plein de gens en mode soldat, turbo, turbo V6 à Dubaï. Mais RP dans la zone, zone MPR, l'équipe. Ah, c'est bon. Hey, très très bien. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Et là, on va passer super à la chronique de Kevin. Tu es là. Prends le casque, c'est mieux peut-être, non? Comme ça, Kevin qui connaît plein de choses, mais là, il va. Je voulais, intervenir et attirer votre attention sur cette exoplanète. Alors, il s'agit d'une année, une année. Là-bas, il dure 3 jours terrestres. Vous comprenez le truc? Oui. C'est-à-dire, je le relis encore. Cette exoplanète se trouve à seulement 6 années-lumière. Pardon. Une année, il dure 3 jours terrestres. Une seule année, 3 jours. 3 jours chez nous, c'est 1 an là-bas. Donc, ouais. 24 heures ici. Ça fait... Il faut faire 365 jours... multiplié par 24 heures, divisé par 3, et tu obtiens le nombre d'heures, ouais. Pour un, c'est-à-dire des centaines d'heures là-bas, pour un jour, des centaines et des centaines d'heures. Ouais. Je sais pas combien de milliers, hein, je sais pas, un millier quelques. Voilà, bon, bah, c'est, y a rien à ajouter, hein, 125 degrés. Si t'as une piscine dans le jardin, 125 degrés, c'est bon. Hein. Dans l'eau, tu restes tout de suite, tu bouges plus. Hein. Oui. Je crois que l'eau, elle chauffe instantanément. Hein. Ouais. Ouais. Bon, mais... c'est le Parisien d'aujourd'hui, beaucoup de... Ouais. Beaucoup de choses. Mais tu sais que comme le temps est relatif, même si tu vas dans une montagne, le temps passe plus lentement. Hé, hey, salut Sophie. Non, c'est pas que... Non, je viens de découvrir, en me creusant la tête, ouais. Que le calcul est simple à faire, mais ouais, on prend une calculatrice là sur un téléphone, vous faites, vous faites 365 multiplié par 24 divisé par 3 et on obtient le nombre d'heures passées pour un jour, ouais. Là-bas. Ouais. Si c'est 3 jours terrestres ici, là-bas c'est combien d'heures? Attends, essayez de. Si on parle en même temps, on n'entend rien, essayez de parler à la fois. Attends, je crois que c'est pas. Sophie, si vous voulez prendre le casque. 365. Il faut que je relise l'info. Ah non, c'est plus complexe encore que ça, je crois. Cette exoplanète. Ouais, là, il y a des exoplanètes pour tout le monde. Trop proche du Soleil, hein, 125 degrés, il fait là-bas. Encore, il y a des planètes où c'est encore plus chaud, hein, je crois. Il paraît que sur Mercure, il fait hyper chaud. Vénus et Mercure. Attends, je vais inverser. Une année, il dure 3 jours terrestres. Oui. Je crois que j'ai encore plus de mal à comprendre. Attends, tu dis une année, 3 jours, c'est une année terrestre. Une année tout entière là-bas, ouais. Équivaut à 3 jours chez nous. Ça veut dire... Mais comment ils ont fait pour calculer un truc pareil, sachant que cette petite boule exoplanète se situe à 6 années-lumière de chez nous? Qu'est-ce qu'auraient dit les frères Bogdanov à ce sujet? Il y a et il y fait 125 degrés Celsius. 125 degrés. Sophie, prends un micro, ouais, s'il te plaît, parce que. Donne un micro à Sophie. Non, c'est, j'aime bien, et c'est très rare quand il y a ce genre d'informations dans ce type de journal. Ouais, mais là, je crois que je me suis planté sur comment on fait pour calculer 3 jours terrestres avec l'équivalent là-bas. Ah, Ambre, tu voulais dire un truc? Pour une année terrestre, oui, et une année là-bas, en fait. Alors là, je crois que je me suis... Attends, Ambre, il a un truc à jeter. Est-ce que, vous savez, comment ils calculent que 3 jours pour nous, ça fait une année là-bas? Est-ce que c'est parce que, pour eux, le soleil de cette planète, fait le tour, cette planète-là fait le tour de son soleil en 3 jours pour nous, du coup, on considère que c'est une année? C'est écrit ou... Non, c'est pas spécifié. Ils nous ont pas donné des détails. Mais c'est-à-dire que cette planète tourne où, à mon avis, elle doit tourner sur elle-même, mais avec une lenteur telle, extrême, du fait que ça équivaut à 3 jours pour nous. C'est pas l'inverse, du coup? C'est l'inverse, je crois que j'ai... C'est-à-dire qu'elle tourne très très vite. Soit elle tourne à fond la caisse. Attends, une année, il dure 3 jours terrestres. En effet, ouais. Elle doit tourner comme une toupie, cette planète. Nous, elle doit tourner à une vitesse hallucinante. Ouais, vous avez raison. Elle tourne à une vitesse hallucinante. Ouais. Bonne question. Pour reprendre. Ouais, c'est ça. Quoi? Finalement, elle est pas d'une lenteur. T'as déjà rappé? Ouais, c'est. Le maintenant, c'est. Attends. Rapidement, ça. Je vous passe moi, si vous voulez, vous y verrez. Non, mais c'est intéressant comme question. Ouais. Mais après, tu sais, la théorie de la relativité parlait de ça. Hein. Une nouvelle exoplanète. Et c'est quoi le nom de cette planète? Attends. Alors, attends. Une nouvelle exoplanète. Tu sais quoi? Autour de l'étoile de Barnard. Alors, c'est l'une des plus proches de notre Soleil. L'étoile de Barnard, l'une des plus proches de notre Soleil. La découverte publiée ce mardi dans la revue Astronomy and Astrophysics est le fruit de 5 années d'observation menées dans le désert d'Atacama au Chili. Cette exoplanète se trouve à seulement 6 années-lumière. Une année, il dure 3 jours terrestres. Et il fait 125 degrés. Planète n'a pas de... Exoplanète n'a pas de nom. En général, les exoplanètes n'ont pas un sens de chiffre. Après, il faut acheter le magazine Astronomy and Astrophysics. Ouais. Ok, ce mois-ci. Attends, tu veux parler, tiens? Le truc que t'as dit tout à l'heure. Si tu veux, il y a une médiathèque. Et là-bas, tu peux trouver des trucs comme ça. Des sciences et tout. Tu peux trouver ça. J'ai une médiathèque à côté de chez moi, à Vipazi. Il y a des livres sur ça. Que tu parles sur la science, les planètes, tout ça. Et ça, c'est... Ouais, franchement, c'est intéressant, c'est bien. Tu apprends ça, au collège, de base, ces trucs-là. Bah, c'est-à-dire qu'on apprend des trucs comme la vitesse du son. Ouais, c'est vrai. Mais là, il s'agit d'une information qui vient de tomber après beaucoup d'années de recherche. Oui. Tu t'y connais en planète, toi? Pas trop, non. Je découvre qu'il y en a. J'espère que c'est vrai ce qu'ils avancent, parce que c'est une petite. C'est sûr, l'entends. Tu vas mettre les casques. C'est une petite planète minuscule, apparemment, qui tourne comme une bille, comme ça. Est-ce que tu crois aux vies extraterrestres? Ouais, j'y crois. Ouais. Ah, d'accord. Bon, voilà. Et toi, Sophie, tu crois aux vies extraterrestres? Oui. Et les vies infraterrestres. Vous croyez aux vies infraterrestres, c'est-à-dire à l'intérieur de la Terre? À la quoi? À l'intérieur de la Terre. Non. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tous les phénomènes de soucoupes volantes, tout ça, c'est des choses qui viennent de l'intérieur, c'est pas de l'extérieur. À ce qui paraît, les soucoupes volantes, là, comme on dit, c'est en fait, c'est pour faire croire que, en fait, il y a des extraterrestres qui viennent, mais en fait, c'est pour jouer avec notre mental, en fait. Ouais. Moi, j'y crois quand même. Je pense que c'est pas le seul. C'est une théorie du complot, je sais pas quoi. Mais toi, t'es branché théorie du complot aussi. Ouais. Il est vrai. C'est très abstrait, c'est très comme sujet, les extraterrestres. Ah, Mohamed, les prophètes. C'est très fantomatique. Voilà, ça va, Mohamed, bonjour. Bienvenue. Ça va, mon vieux? Fais-toi, Mohamed. Prends ce... Cool que tu sois là, Mohamed. On a là le Mohamed, prophète, poète. Ouais. Moi, je ne vois pas pourquoi on est seul. Mohamed Karoui, le spécialiste de l'improvisation. Mohamed, tu as des choses à dire? Tiens. J'ai rien à donner pour l'instant. Je ne suis pas dans l'improvisation. Je suis désolé. On se verra plus tard. Mais oui, en fait, pour en revenir à moi, tu peux être là. Hein. Engueuler. Et après, je me dis, excuse-moi. Tu viens d'atterrir. Quand tu prends le temps d'atterrir, quand tu es prêt, tu demandes le micro. Voilà. Et je l'ai même rappelé. Et je lui dis, excuse-moi, j'ai pris pour ton numéro, pour le numéro d'un autre. C'est quoi ça qu'on entend? Donc voilà. C'est depuis, c'est vrai. Ah, c'est la radio de Mohamed. Bon, pendant que Mohamed atterrit. Mais quand je lui ai dit désolé, il l'a lu ou pas? Qu'est-ce que tu parles, Sophie? On entend tout quand tu parles comme ça. Vas-y, prends le pouvoir. Il m'a même pas dit. Qu'est-ce de quoi tu parles? Non, parce que il y a Johan à la. Ah bah tiens, on va faire un Johan. Appel. Oui, Johan à la radio. J'ai envoyé un message et je l'ai pris pour quelqu'un d'autre. Et je l'ai un peu rembarré. Ouais. Et du coup, je disais au jeune qui est là, je lui disais, j'ai appelé derrière pour lui dire que je me suis trompée. Donc voilà, est-ce qu'il te l'a dit ça? Il m'a dit non. Voilà. Ouais. Il m'a pas dit. Hein. Bon, voilà, mais il a pris ce qu'il voulait entendre. Voilà, il a pris ce qu'il voulait entendre. Bon, on va passer pendant que Mohamed atterrit, il retrouve l'inspiration de l'inspiration. De mentir. Il y a John, pardon. Je l'aime bien. John, parce qu'avant c'était Jason, mais maintenant c'est la métanoïa, c'est ça, c'est la transformation de la personnalité. On peut changer de nom. Et là, celui qui s'appelait Jason, maintenant, s'appelle John. Et John va faire sa colonne de... comment ça s'appelle déjà ta colonne, John? Chronique des sports. Tiens le micro, John. Attends, je fais encore... Moi, j'ai deux mots, trois mots à dire sur ça. Alors, attends, parce que les journaux, j'arrête. Tous les jours, j'ai un journal dans les mains. J'étais au stade... Tous les sports. Mais alors, j'ai deux chroniques de foot, tu les as aussi, John? Hein? Deux chroniques de football, tu les as aussi, sur l'équipe de France? Tu les as? Non, mais là, je parle de la Ligue des Champions, en fait. Ah. Moi, je parle de retraite. On va reprendre Kevin. Donne une seconde. Il y a John qui va faire sa chronique. Vas-y. Vas-y, John. Ça se passait au stade. Je suis parti à Udina Park. Ouais. Et entre Dortmund et Celtic Glasgow. Ouverture du score sur penalty par Emre Can à la 7e minute. 2 minutes plus tard, égalisation. De Celtic Glasgow. 2 minutes plus tard, but de Karim Adeyemi à la 11e minute. 2-1, plus un triplé de Karim Adeyemi à la 11e, 29 et 42e minute. 4, plus avant, il y a eu un penalty à la 40e minute par Guirassy. Ça fait 5-0 à la mi-temps. Double de Guirassy à la 66e minute. Et pour finir, but de NM Cha à la 79e minute. 7-1 pour Dortmund. Ouais. Hier, je suis parti au stade Olympique Luz Companys pour la rencontre du FC Barcelone contre Young Boys. Un festival, une manita, ils ont fait. But de Robert Lewandowski à la 8e minute. Après la demi-heure de jeu, but de Rafinha à la 34e. 3 minutes plus tard, but de Rafinha. 3 minutes plus tard, but de Inigo Martinez. Et un but contre 5 ans de Young Boys à la 81e minute. 5-0 pour le Barcelone. Ah oui. Qui a un espoir de se qualifier. Et ce soir, il y a un match aussi, non? Oui. C'est qui joue? Le Real Madrid contre Lille, et ce sera à Pierre-Mauroy à Lille. C'est quoi ton pronostic pour le match? Real Lille, je vois Mbappé marquer, mais je vois des buts des deux côtés, mais je peux pas dire qui va gagner. D'accord. Je dirai ça la semaine prochaine. Il faut que tu développes tes antennes de perception. Je dirais 3-1 pour Real. Un double okay, de Mbappé. La semaine prochaine, on verra si tu es dans les corrects ou pas. Il y a aussi Benfica Atlético de Madrid. L'Atlético avait gagné la première journée grâce à un golazo de Griezmann. Golazo. Golazo, c'est comme ça ils disent. C'est en espagnol, quoi. Golazo. Golazo. Contre Benfica, ça va être dur. Ouais. Le match le plus serré ce soir, ce sera Atlético Benfica. Voilà. Et après, dans la semaine, il y a d'autres matchs? Je vais voir ça. C'est quoi ton agenda pour la semaine prochaine? Ah oui, demain, il y a Tottenham contre Ferencvaros. Ok, donc tu vas en Angleterre? En Europa League. Tu vas en Eurostar? Tu vas comment? Je vais en avion. Ah d'accord. Tu vas en bibus? Oui. Attends, je regarde. C'est 8 heures en bus. Ligue Europa. Et c'est 200 balles, ça. Attends, je sais pas si c'est... Tottenham, demain à 18h45. Tottenham, Ferencvaros. Et aussi Porto contre Manchester United demain à 21h. Ah, ok. Bon, merci John. Ou encore Galatasaray contre une équipe faible demain à 18h45. Ouais, merci John. Merci pour ta colonne, des chroniques, de ils tous les... Perdu, ils avaient perdu... Barcelone, la première journée en Ligue des Champions, avait perdu 2-1 à cause d'un carton rouge par Eric Garcia à la 24e minute. Ce qui fait qu'ils ont perdu. Il n'a pas eu le VAR? Je sais pas. Ah. Non, carton rouge direct. Direct. Voilà. Alors, Kevin. Prochain rendez-vous pour. Il y aura bientôt le Classico Real Madrid-Barça. Ce sera. Attends, je regarde. Ok. Et Kevin, après, il va compléter la chronique de sport. Il va nous parler un peu. Je regarde. Attends, on t'attend. Moi, je reviens à Lille-Real Madrid dans le Nord, le match du siècle. Lille, alors je suis stupéfait de cette rencontre. Ce ne sera pas tout de suite, ce sera le... Vas-y, je t'écoute. Lille affronte pour la première fois de son histoire le Real Madrid ce mercredi. Un défi immense qui a créé un engouement inédit dans la Cité du Nord. Ah oui. Kylian qui fait ses débuts. Donc il a l'air serein, il a l'air... tout à fait prêt. Ah, lors de... Ce sera... Étant donné que le Real Madrid... on joue plus grand club du monde. Voilà ce qui est écrit. Le Classico Real Madrid-Barcelone, ce sera le 26 octobre à 21h. Où ça? Là-bas ou... Ce sera... Au Camp Nou. 21h. Au stade Bernabeu. Ce sera... Non, ils ont dit que le Camp Nou, il en février. Ah, d'accord. Kevin, tu voulais parler aussi de l'équipe de France? C'est tout, c'était ma chronique des sports. Merci, Jason. Oui, ce soir, je me rends à Lille. Vas-y. À Lille. Ouais. Je n'ai pas les pages des... Toi, tu te déplaces pour les matchs, toi. Hein? Des bleus? Tu te déplaces pour les matchs. C'est pour rigoler. Ah non, mais c'est les secrets de John. Il a le... Il a les dents de l'ubiquité. Il peut être en même temps dans plusieurs pays. Non, je regarde à la télé. Je regarde et je dis les scores. Ah. Mais dévoile pas ton secret. Je suis dans le monde de foot. Ah, okay. Tu sais, des fois, il prend l'avion et en fait, il voyage. Il voyage Une fois, je suis allé au Stade de France voir un match France-Angleterre. T'es allé? Oui. Il voyage à la vitesse de la pensée, en fait. Dès qu'il pense à un lieu. C'est Épicure, un philosophe, qui disait ça. C'est la pensée qui va plus vite que la lumière, parce que si tu penses à quelque chose, tu es immédiatement là-bas. Oui. Donc voilà, Jason, il a une voiture à la vitesse de la pensée. Sauf que mon père, il est pour Benfica. Ah, d'accord. Et toi, tu aimes Porto? Parce qu'à un moment, ce sera Barcelone-Benfica. Ça va être chaud, ça. Ça va être compliqué. Tu vas pour les Barça, toi? Et la reprise de la Ligue des Nations reprend la semaine prochaine. Toi, tu regardes toutes les compétitions. Prends un micro là-bas. Chaud, toi. Ah oui. Chaud. Et Kevin, tu voulais parler de l'équipe de France? Moi, je regarde que quand il y a le PSG qui joue. Hein? Des fois, je regarde vite fait, des fois, je regarde pas. Brésil? Non, le PSG. PSG? Ouais. Ils ont perdu 2-0 hier contre Arsenal. Ouais, je sais. Saka et qui d'autre? L'équipe de France. Les Bleus. Saka, il a marqué. Ah. Le joueur. Ouais, Saka. On est quel jour? On est mercredi. On est mercredi. 3 octobre, non, 2 octobre. Il y a quelques jours, peut-être la semaine dernière. Ah ouais, il a pris sa retraite. Raphaël Varane, le 4. Très grand joueur, un des meilleurs, sinon le meilleur dernièrement, défenseur des Bleus. Prend sa retraite à l'âge de 33 ans, il me semble. C'est ça, à 33 ans, ça fait jeune. Mais ouais. Bon, c'est vous. Raphaël Varane. Griezmann, il prend pas sa retraite. Ça a été annoncé hier pour Griezmann. Donc le coup de Griezou, c'est 31 ans, retraite aussi des Bleus. Donc ça fait deux joueurs coup sur coup, comme ça, sur 5, 6, 7 jours de... Il s'est énervé, il a fait quoi? Non, c'est voulu, c'est comme ça, c'est le sport. C'est... Peut-être qu'il y a une douleur, peut-être qu'il y a quelque chose. Ça se rapproche la Coupe du Monde. 31 ans. Retraite des Bleus. Attends, ouais, ça parle de international, c'est ça. Tu peux donner le téléphone à... Il va finir avec l'Atlético de Madrid. Il va finir avec l'Atlético de Madrid. Ouais, donc pour l'instant ils sont. Bon, j'ai pas lu les articles, hein, je me suis. Oui, parce qu'il il joue encore avec l'Atlético de Madrid. Ouais, ils sont. Ça veut dire qu'il finit avec la France, retraite. Mais il continue avec l'Atlético de Madrid, voilà. Ouais, c'est il a pris sa retraite parce que Didier Deschamps ne le considérait pas comme. Comme son chouchou. Il lui donnait pas sa place, la place qu'il avait en équipe de France. Parce que Griezmann, c'était le leader, tu vois. Et Kylian Mbappé, d'un coup, c'est devenu la star de l'équipe de France. Et ça va être qui, le vice-capitaine, vu que c'était Griezmann? Je sais pas. Ça veut dire qu'ils vont choisir un vice-président, un remplaçant pour... Il y a un concours d'ego, ouais. C'était en juillet, non, l'Euro 2024, c'était juste avant... C'était en juin, du 14 juin au 14 juillet. C'est ça. Et c'est l'Espagne qui a éliminé l'Allemagne. C'est l'Espagne qui a gagné. Olivier Giroud, sur la fin juillet, à peu près, 23-22, je crois. Enfin. Et donc, il a pris. Ils ont perdu 2-1 contre l'Espagne. La France. Ouais. En quart de finale. Il termine en tant que meilleur buteur. En demi-finale. En quart de finale, c'était l'Allemagne. Et en plus, c'était en Allemagne. Il part au Los Angeles Football Club. Espagne et Angleterre. Comment il s'appelle? Avec Hugo Lloris. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le jeune au Barça, là? Lamine Yamal. Il est chaud, lui. Hein. Il a mis une spéciale. Ah, il est chaud. Avec, lors de la demi-finale. Avec lors de la Kélier, là. Avec Mikel Merino. Le 39 de l'Espagne, c'est ça? Non, maintenant, c'est le numéro 19. L'ailier à côté de Bellingham. De Yamal. Lamine Yamal. En Espagne. Rafinha? Non, en Espagne. En Espagne? Ouais. On parle du même joueur. Hein. Dani Olmo? Je crois que c'est lui ou. Ouais, c'est Dani Olmo. Un Renoir. Ouais, c'est un Renoir? Chaud, lui. Ouais, un Victor Renoir. Roquet? Je sais pas comment il s'appelle. Attends, je vais regarder. C'est très football aujourd'hui à notre émission de radio. Sophie, est-ce que vous avez des choses à dire? Il a quel numéro? Pas encore, il faut que ça vienne. Je sais plus. En fait, j'ai regardé vaguement. Il a joué la finale? Il a des locks, je crois. Des locks ou des tresses. On peut parler de vélo, hein? Ah ouais. Et ceux qui connaissent Tadej Pogacar? Valdé. Qui a regardé? Ah, c'est lui, ouais. Dimanche. Le vélo, ça vous dit? Les championnats du monde de cyclisme sur route, des bonhommes. Un attaquant. Dimanche dernier, là, sur la 3, je crois, France 3. Ouais. Le coureur slovène Tadej Pogacar, ça vous dit? Il a gagné combien? 2 ou 3 Tours de France? Il a quel âge? Il a même pas. Il a 24 ans. C'est encore un bébé, je dirais. Mais Mbappé, là, il a plus le même niveau qu'avant. Mbappé. Ah oui, je sais pas ceux qui suivent. Mbappé, là. C'est plus pareil. Hein. Quand même. Au niveau du sprint. Nico Williams. Voilà. Voilà, c'est Nico Williams. Bon, bah, Sophie, Ambre, alors le Morata, il est fait à la dire. Mbappé, là. Est-ce qu'il est. Sinon, on va parler football toute la journée. Hein. Mbappé, est-ce qu'il est comme avant? Est-ce qu'il a la même vista qu'avant? Mbappé. Au Real? Ouais, au Real. Bah, au début, Vinicius, il voulait centrer sur lui, sauf que Valverde, il a pas compris. Non, mais je veux dire, au niveau de sa carrière, pendant ces 2-3 dernières années, est-ce qu'il a été comme en 2018 ou... Non. Non, il est plus pareil, là. Encore plus fort qu'en 2018. Non, arrête. Non, moins. Moins. Il est moins, là. Ouais, parce que tout le monde veut pas le laisser prendre le ballon. Ah non, mais j'allais dire un truc... Non, mais ces mecs-là, c'est des superstars, en fait. Des fois, Mbappé, c'est une superstar. Des fois, il remporte pas des duels. J'ai lu qu'il avait négocié un contrat. 55 millions. Mm. C'était quoi? C'est à cause de quoi, ça? S'il remporte pas avec des champions, il va partir. Mais là, je crois qu'il touche plus autant qu'au PSG, là. Si le Real ne gagne pas avec des champions... Il gagnait vraiment beaucoup. Mais là, au Real, il gagne moins parce que... C'est pas la même richesse. Le club n'a pas la même richesse. C'était son rêve de venir au Real. Voilà, c'était son rêve. Et tu penses que ces gars-là qui sont considérés comme des superstars, ils donnent une image positive ou pas aux jeunes? On va dire ils donnent une image positive au niveau du foot. J'espère qu'il va pas aller en Arabie Saoudite. Au niveau aussi, au niveau ça, sportif, ça fait, ils font rêver. Au niveau humanitaire. Au niveau humanitaire, ouais, un peu. Ok. Un peu. Au niveau sous, tout ça. Au niveau sous, c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que tu penses que ça peut fausser les jeunes? Ça peut fausser, ouais. Ça peut leur rapport à l'argent. Voilà, ça peut donner des idées aux jeunes joueurs. Mais moi, je dis que si les jeunes joueurs... Depuis qu'il y a Dani Olmo, ils sont forts, le Barça. Depuis qu'il y a Dani Olmo, le renfort, le Barça est devenu fort. Comme il connaît bien le Bayern. Est-ce que tu connais... Comment il s'appelle? Lamine Yamal. Non, le joueur d'ici là, le plus jeune, l'un des jeunes de Bondy. Même on l'a comparé un peu à Mbappé aussi. Un joueur de Bondy qui a joué à l'AS Monaco, qui a été prêté. T'étais là mercredi dernier. Son frère? C'est pas son frère, c'est un joueur qui ressemble à Mbappé. Il paraît on va dire qu'il est métis, il ressemble un peu à Mbappé. Non, je connais. Et il a percé, il joue à l'AS Monaco, il a été prêté. Il s'appelle Lamine Mefekele. Ah oui. Tu connais Lamine Mefekele? Non, je connais pas. Bah lui, il est concentré football. Il pense pas, par exemple, aux nanas, tu vois. Parce qu'il y en a, ils vont penser aux meufs, tu vois. Ils vont penser à ça quand il y a l'argent, tu vois. T'as capté? Sophie. Bon, bah voilà. C'est tout. C'était bien. Merci. Vous avez eu des rumeurs que la semaine dernière c'était la folie, c'est ça? Oui, voilà, parce que je leur ai dit c'était comment la semaine dernière. Et ils m'ont dit que c'était la folie, que c'était le bordel et tout. Et je lui dis mais j'aurais dit vous préférez quoi? Il dit ça dépend. Ouais, il s'est passé quoi la semaine dernière? Moi j'avais de la fièvre. Il y avait plein d'instruments qui se défilaient là. Ouais. Des trucs, des défilés, des cris, des chants, des gens qui rappaient, des gens qui mettaient pas les raps de l'autre. Ouais, d'accord. C'était un peu, des fois c'est comme ça ici, vous savez. Hein. Oui, j'ai déjà vécu ça. Bah oui, avec la politique, tout ça, machin. Ouais. La semaine dernière, j'avais de la fièvre. Il y avait un sorte de. Prends le micro, si tu veux. Il y avait un sorte de cubain façon qui rappait là. Je sais pas comment il rappait. Celui avec qui on s'engueule souvent là. Même il s'énerve un peu façon. Ouais, le gringo. Ouais. Il appelle comme ça. Lui, il est trop marrant lui. Comment il rappait. Mais il rappe bien ou pas? Bah déjà dans le micro, il gueule. On comprend rien. Je sais pas, voilà. La merde un peu. Mais ouais. Parce que là, c'est assez détendu. Là, c'est calme là. C'est bien. Calme. C'est bien. Mais vous étiez combien avant que j'arrive? On était. Parce qu'il y en a un qui est parti. Il y en avait deux de plus. Il y avait deux dames. Ouais. Elles sont parties. Elles sont pas restées longtemps. Et. Dis donc. Il y a ton pote là. Oui, qui est parti. MTR. Ah, MTR aussi, il était là aussi. Il n'y avait pas le grand mince avec lui, j'ai vu. Aujourd'hui. Aujourd'hui, non. Il n'est pas là. Il est venu tout seul. Oui. Ça change ici, hein, ça. Des fois il y a beaucoup de monde, des fois il y a moins de monde. Des fois, c'est... Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas une séance comme ça calme. Ouais, c'est pour ça là je suis un peu larguée. Je fais ça fait longtemps que. Ça leur fait du bien de se défouler, non, ici, non? Ça leur fait du bien, non? Ouais. Je pense que ça leur fait du bien. Mais il y a, la radio c'est un peu pour ça aussi. Hein. C'est pour se défouler. La catharsis, on appelait ça. Les Grecs appelaient ça. Même l'ancien qui était là, il s'est barré, c'était trop calme. Ouais, vous lui avez dit, vous allez où? Vous l'avez appelé le prophète? Ah, Mohamed Karoui. Moi, je reviens, il n'est pas revenu, c'était trop calme. Bah, il va revenir, Mohamed. C'est... Mohamed, c'est le roi de l'improvisation, lui. Ouais. Il est fort, il est fort. Il est très fort. Mais il a commencé. Un jour, avant, il cassait tout. Il cassait tout. On écrivait un papier, un programme pour la radio. Il a tout cassé. Et puis un jour, il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut plus rien faire. Mais oui, si, on va improviser. Il a commencé à coller les morceaux de papier déchirés comme ça. Et, et là, il improvise. Il est très fort. Mais des fois, il n'a rien à dire, comme tout le monde. Hein. Ouais, des fois, on improvise. Jason, tu vas improviser un rap, là? Mohamed le prophète. Mohamed le prophète. Ah, c'est vrai, c'est jeune maintenant. Kevin, tu as des nouvelles? T'as une copine? T'as une copine? Ça se passait bien? Vous êtes séparés pourquoi? Elle avait perdu ses parents. Ah. Et elle était en colère. Et elle était plus OP pour une relation sérieuse, quoi. Non, ah bon, bah si vous êtes amis. Elle te manque ? Oui. J'ai fait l'amour il y a deux jours, c'était bien. Voilà. Maintenant, je... Ça commence la chronique de Sophie. Hein. Johan, c'était pas pour toi le message. Johan, le grand, la Camerounais. Oui. Il a le même numéro qu'un gars qui me prend la tête. Je lui ai dit, écoute, si tu me prends la tête, je vais me filmer avec un autre gars et je vais te l'envoyer en lien. Et après, j'ai fait, merde, c'était le numéro de Johan. Et tout de suite, je lui ai dit, je suis désolé, t'as le même numéro qu'un ex. J'ai même appelé derrière, je suis désolé, machin. Il me dit que non, il a mal pris. Je fais, attends, je me suis excusé trois fois. donc voilà. C'est dangereux d'envoyer de sextape comme ça. Oui. Non, elle a pas envoyé une sextape. Non, je lui ai... Non, j'ai cru... Non, docteur, vous faites... Ah non, là, vous abusez, là, voilà. J'avais compris ça. Non, j'ai... En fait, elle a insulté une... J'ai envoyé balader Johan. Voilà, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Okay. Elle a cru que c'était son j'ai... ex. Voilà à qui j'ai dit, si tu continues, je fais une sextape. Non, par message, et je te l'envoie. Donc voilà, avec le nouveau. Et c'était le numéro de Johan. Et j'ai dit, je suis désolée... le numéro d'un ex que je... Voilà. Je l'ai appelé, je suis désolé. J'ai envoyé un message, je suis désolé. Je sais pas. Mais il m'a dit qu'il avait mal pris. Que c'est pour ça qu'il venait plus à la radio. Il a mal pris parce que ça lui était pas adressé ou... Non, je sais pas. Il s'est senti agressé. Il s'est senti agressé, je crois. Oh, arrête. Ouais, bon, Johan, écoute. C'était pas pour toi, Johan. C'était pas pour toi, la sextape. Voilà. Mec. Tu viens quand tu veux, on est là. Mais Sophie, tu pourrais un peu parler parce que... Passe à autre chose. On n'est pas fait l'un pour l'autre, passe à autre chose, rase les murs. Ah ouais, non. Mais vous avez un sujet à aborder, Sophie, parce qu'en général, vous abordez des sujets qui lient la sexualité, la spiritualité. La spiritualité, j'ai pas envie. Je me suis levée, j'ai dit adieu ce matin, donc tu me hais. Donc voilà, et ça t'arrive pas de parler à Dieu comme ça ? Ok. Non, un petit trip, quoi. J'ai demandé à mon copain s'il voulait qu'on se filme, mais il veut pas. Pourquoi ? Je sais pas, ça peut être sympa. T'es jamais filmé avec ta copine ? Oui, c'est sympa. T'es jamais filmé avec ta copine ? Eh, ça peut être... J'avoue, ça peut... Bah ouais, mais je vais le... Non, c'est juste embrasser, c'est tout. Vous avez fait jouer au docteur ? Non. J'étais en mise en repos. Et elle était en mise en repos aussi ? Oui. Ah, d'accord. Ok. Vous avez fait rien d'autre ? Non, elle a dit pas pour l'instant. Pas pour l'instant ? Mmh. Et tu crois qu'elle fait avec quelqu'un d'autre ou pas ? Non. Tu lui fais confiance ? Oui. Ah bon, ok. Non, elle est là-bas. Elle est retournée là-bas. Mais où, en maison de repos, chérie ? Ah, Bois-le-Roi, là où je vais aller, là. Ah, tu vas... Ah, bah écoute, rejoins-la. Là. Je vais retourner là. Mais pas pour que la voir, pour me soigner aussi. Qu'est-ce que t'as ? En maison de repos. T'es stressée ? Hmm ? T'es stressée ? Ça regarde que moi. Ah, d'accord. Non, parce que je connais des gars qui sont pas... Non, c'est les crises d'angoisse. Qui ont pas été... Voilà, qui ont jamais été internés. Les crises. Mais qui sont méga perchés, hein. C'est pour ça, des fois, quand je te regarde, je me dis, mais peut-être que j'ai des crises d'angoisse ou pas. Parce que je suis sortie avec des gars qui n'ont jamais été internés, mais qui se sont appuyés sur la drogue dure, tout ça. Mais non, à côté d'eux, t'es pas perché du tout. Hein. Donc voilà. T'as juste besoin qu'on te dévergonde. T'as juste besoin que l'infirmière à Bois-le-Roi te dévergonde. Non, c'est pas ça. Ça serait bien. Pas ça. Tu vois, t'as besoin de t'éclater. Même à Jean Verdi, j'ai dragué une infirmière, elle a dit. T'as besoin d'aller à Barbès ou Moulin Rouge. Elle a dit, t'as dragué une infirmière. J'ai dit, allez, vous êtes très belle. Après, elle a dit, est-ce que vous êtes... Je lui ai dit, c'était célibataire. Elle m'a dit, non, je suis prise. C'est pas vrai. Mais ouais, j'ai dit ça. T'as dragué, hein. Non, pendant qu'elle me prenait l'attention. Ah ouais, d'accord. C'était quand ? C'était... Ça date, hein. Il y a 3 mois. Ah, en juin. C'était une quoi ? Une blanche ? Une orientale ? Une blanche, une blonde. Ah, une scandinave. Une blanche, ok. Ouais, non, donc... châtain. Châtain ? Châtain. Comme ton ex, un peu ? Non, elle est blonde. À peu près comme ça. Ouais. Elle a fait très Brigitte Bardot, elle. Non, non tu vois pas qui c'est. Il y a longtemps. Il est trop jeune, il voit pas qui c'est. Il y a une autre Xama, il y a longtemps. Ah. Elle ressemble. D'accord. Mais écoute, bah va à Bois-le-Roi et puis casse la baraque, hein, ce que je te dis. Mm. Voilà, hein, c'est important hein, de butiner, de draguer, de sentir valorisé. Non, parce qu'ils veulent pas ça. Que j'aille en bas ici. C'est mieux notre clinique. Ah ouais. Mais il y a quoi en bas ici? Le secteur 14. Il y a quoi au secteur 14? Non, ils veulent pas que. Ils veulent, pour ma sécurité, ils veulent pas que j'aille en bas. Ah, pour ta sécurité? Oui. Mais t'as déjà été? Non, j'ai. Ou pour la sécurité des gens? Si, docteur Mustapha, il veut pas que j'aille en bas tant qu'il est là. Il m'a dit ça la dernière fois. Mais il y a quoi au secteur 14? Ils sont vraiment perchés? Bah, c'est docteur Mustapha, je sais pas ce qu'il a contre moi. Ah, bah écoute. Il veut peut-être toutes les infirmières pour lui, hein, qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, Messi. Faut s'éclater dans la vie, c'est important. Non, il n'y a pas de place. En fait. C'est important, il a compris. Non, ils ont menti, il y avait de la place. En fait. Bah oui. Mais le docteur Mustapha, il veut tout pour lui. Qu'est-ce que tu veux? T'es un concurrent. L'écoute pas, il est ailleurs. Il est complètement... Il pense mais à la sextape. Mais voilà. Non, mais arrête, non. Il est dans la sextape. Il n'écoute pas. Pas moi, ce soir, je vais manger. Voilà, il est dans la sextape, lui. Il n'est pas dans le secteur 14, il n'est pas là-bas. Tu vois, c'est il est en train de se dire ouais, ma copine, machin. Non. Tu vois. Non, non. Donc, mais ça me fait plaisir de venir. Voilà, même si on est. Il y a pas oui. ta copine. Kadra, elle était pas là la semaine dernière. Non, elle était pas là. Ah, elle en a marre de parler politique, peut-être. Peut-être. Ouais. Tu l'aimes bien, Kadra? Ouais, elle est gentille. Ouais. Ouais, j'ai remarqué. Bien, le personnage de la radio Dune. Ouais. La radio. Ouais. Ouais, ouais. Oui, mais la question de la sexualité dans des hôpitaux psychiatriques, j'étais avec des gens de Belgique l'autre fois. Oui. Et en Belgique, tous les lieux de hébergement de personnes autistes ou psychotiques, ils sont des fois, ils travaillent avec des travailleurs sexuels, aux travailleurs sexuels, pour les gens qui ont besoin de rencontrer des autres, ils n'ont pas l'opportunité, voilà, ils sont en lien, quoi. C'est la Belgique, ils sont beaucoup plus moins des complexes que la France. Ah, c'est ça qu'il faudrait, docteur. Je ne sais pas s'il faudrait ou pas, mais... Il faudrait un atelier sexuel. Mais ici, ça. Mais c'est vous qui avez la chronique des sexualités dans cette radio, hein, donc c'est vous que la. Ouais, mais ici, est-ce que ça peut partir en vrille? Un atelier comme ça où il y a des patients qui avouent leur flamme à d'autres patients, on leur fait se toucher, machin, dire des poèmes. Non, mais si, mais je suis sérieux, c'est dire des poèmes. C'est pas. Il y a les consentements mutuels des gens après. Hein, si les gens sont consentis, je sais pas, c'est des adultes, quoi. Mais il ne faut pas que ça se sent obligé à parler, ni à agir. Ah, ni à sentir. Non, avec quelqu'un avec qui il aurait une petite émotion, un petit crunch, ouais. Un petit... Non. Je ne sais pas, mais en tout cas, John, il est bien. John, il drague des infirmières à Jean Verdi. C'est bien. Non, après, j'ai dit, c'est moi, je fais un... Ouais, mais tu vas jouer ta chance, mec. Non, parce qu'à chaque fois que je lui ai pas... Oh, elle m'a dit, je change de planning. Bah ouais. Tellement je vais là-bas, elle a dit, oh non, mince. Elle avait quel âge? Non, je sais pas. La trentaine? Ouais, la trentaine. Moi, je drague plus, moi. C'est bien. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu passes tout le temps là-bas. Non, c'est pas ça. C'est, je fais des malaises dans la rue, dans le bus. Tu fais des malaises dans le bus? Tu tombes... Ah ouais. T'as pas un atarax à prendre? Hein? Atarax. C'est quoi ça? C'est un anxiolytique. Non, moi, j'ai pas ça. T'as des injections? Abilify. Peut-être que tu supportes plus. Peut-être que tu supportes pas l'injection. Ouais. Parce que t'as même fait déjà un malaise ici l'année dernière. Et là dehors. Non, j'étais traumatisé l'année dernière. Oui, mais là, peut-être que ça te va pas. Non, lui, il sait. Ah, il sait. C'est entre nous. Ah, c'est entre vous. Ok. En tout cas, c'est bien de se réveiller comme ça avec une belle infirmière. T'as dit, voisin, bonjour. Non. Hein? Peut-être c'est bien de se réveiller avec une belle infirmière à côté. Tu les dis des portes-jartelles. Ma tata, elle est infirmière et elle sera avec quelqu'un. Il y a des belles infirmières ici. Ta tata, d'accord. Une belle infirmière en porte-jartel. Mais non, c'est ma tata. Oui, mais je sais, j'ai compris. Elle a quelqu'un. Ouais, elle est séparée avec le père de ses enfants. Ouais. Et elle est avec un autre. Elle me l'a présenté. Ah bon, bah, ok. Ça va, tu le valides? Il est gentil avec elle? Oui, il est gentil. Bon, bah écoute. En tout cas, on dit que quand les gens commencent à penser à la sexualité, à l'érotisme, tout ça, aux autres, c'est qu'ils vont pas si mal que ça psychiquement. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que quand on est vraiment mal psychiquement, on ne pense pas à ça. On pense pas à la sexualité ni à l'érotisme, on est qu'est dans nous-mêmes. Ouais. Et on n'est pas sympa, on se coiffe pas, on prend pas soin de nous, tout ça. Et ça donne les gens que je croise dans les transports. Ah, c'est chaud, docteur. Papa, c'est chaud patate. Hein. Ouais. Il baisse pas. Hein. Je vous le certifie. Ouais, non, mais c'est bien de penser à quelqu'un. Bah ouais. Si tu le dis de manière correcte. Oui. Puis voilà, tu l'abordes. C'est pas mauvais de dire à quelqu'un, vous êtes belle. Ou voilà. Bah ouais. Non. Mais Bois le Roi, dis-moi, c'est bien ou pas? C'est pris en charge? Tu payes pas. Ouais. Kevin, si tu veux parler, vas-y. Hein. Tu te sens bien? C'est parole libre, là. On peut rester dans la love chronique. Parce que je suis jamais allée là-bas. Je me dis, est-ce que c'est bien? C'est à Kinkuitsen. Alors, on peut parler de culture et loisirs cinéma. Aujourd'hui, mercredi, sortie en salle de Joker Folie à deux. Folie à deux, ce que vous avez spécifié. Qui a regardé le documentaire Golo et Richie? Attends, je termine juste. Drame musical américain de Todd Phillips. C'est quoi? Avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga. Oui, c'est sur le Joker et Harley Quinn, je sais. Voilà. Brendan Gleeson, Catherine Kinner, 2h18. Il a un autiste léger, tu vois. Et en fait, il est drôle dans sa spontanéité. Dans son délire. Voilà. Oui. Il est très drôle. Et Golo, lui, il est normal, tu vois. Et il le prend pour son ami, tu vois. Il tape des délires, tu vois. Et en gros, ils étaient à Marseille. Et ils ont fait Marseille-Grigny en vélo. En vélo. Et c'était marrant. C'est quoi ce film? Bah, c'est Golo et Richie. Ok, c'est sorti aujourd'hui? Non, il y a... C'est une histoire d'amitié, en fait. Il y a un mois, je crois. C'est passé à la télé récemment? C'est passé au cinéma? Ouais, c'est au cinéma. Il y a beaucoup d'amitié, en fait. C'est une amitié. Voilà, c'est ça le message. C'est une amitié. Ouais. Ah, ok. Entre un autiste et quelqu'un, on va dire, entre guillemets, de normal. Voilà. Entre guillemets. Hein. Ça fait penser à Dumb and Dumber, ça, un petit peu. Ouais. Il y a des similitudes. Complètement délirant. Avec Tom Cruise, le film et... Dumb and Dumber. Docteur, le film avec Tom Cruise et Dustin Hoffman, comment il s'appelait? Redman. Ouais. C'est un gars qui se rend compte qu'il a un frère et qu'il est autiste. Ouais. Et par contre... Il est très très bon en maths. Et ils vont au casino, il arrive à compter les cartes, machin, truc. Et ils se font de l'oseille, quoi. Mmh. Donc voilà, donc ton pote, d'après ce que tu me racontes, ton film, ça, le gars, il doit avoir un sacré degré d'autiste. Un peu comme les génies, quoi. Voilà, un truc on va dire. On va dire que c'est un autiste, mais qui arrive à dire des... Un peu comme le lieutenant Colombo. Il est bizarre. Il arrive à faire rire. Il est en fait, bizarre. En fait, il arrive à faire rire les autres. Dans Colombo, il est suspect, mais complètement. Ouais. En fait, il arrive à faire rire les autres. Il est trop marrant. Richie, il est trop marrant. Ok. Pour vraiment regarder ce film au cinéma, faut y aller. Ouais, ça me fait penser, pardon, qu'on a à l'autre radio, Schizophonia, qui est lundi, jeudi et bientôt le samedi à la Colombière. On vient d'avoir une convention, un label Culture Santé. Pour faire une espèce de photo radio, pour faire un film avec des photos et la radio. Et partie de ce programme-là, c'est que chacun de nous va parler d'un film qu'il aime bien, qui parle un peu de la folie, de l'autisme, de bipolaire. Donc, parce qu'il y a plein de films comme ça qui passent sur les choses. Et puis tout ce type d'autres choses aussi. Mais en fait, un film qui est sorti, qui a été filmé ici. Oui, Funambule. Funambule. Là, Johan, vous l'avez vu? C'est trop marrant. C'est un super film, il faut le revoir, ça. C'est un film magnifique. C'est un film de ouf, ça. Il y a Johan, justement, qui joue. Johan fait le rôle principal. On pourrait organiser une... Johan, il n'a pas aimé le film. Il n'a pas aimé, moi, je trouve qu'il joue magnifique. Il n'était pas bien à ce moment-là, tu vois. On l'a filmé, tu vois. Mais je trouve qu'il était... Il n'était pas bien. Son avantage. Il n'était pas très bien concentré, tu vois. Ah oui. Mais moi, je l'ai vu avant de le connaître en personne. Je pensais que c'était un acteur. Il joue tellement bien dans le film. Mais bon, je comprends qu'il peut... Il n'est pas très concentré. Ouais, mais bon, des fois, tu sais, les gens jouent pas concentrés. Ils jouent bien. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas cool, quoi. Tu les filmes. Bah, je sais pas qui a filmé ça. Moi, j'étais pas là. Vous avez l'autorisation écrite ou pas? Ils ont soi-disant eu une autorisation, mais de Johan, tu vois. C'est impatient, tu vois. C'est pas quelqu'un qui est... Ouais. C'est pas un figurant. C'est pas un de ses parents, c'est pas... Je sais pas, tu vois. Bah, j'ai pas suivi la... On lui a demandé s'il voulait être dans un film. Lui, il est pas concentré. Il va dire oui. Tu vois. Pas concentré, ma gueule. Mais bon, en fait, il n'était pas filmé à son avantage, quoi. Voilà, tu vois. Ouais, bon, bah écoute. Il n'a pas kiffé, tu vois. Fallait qu'il soit coupé au montage. Voilà. Voilà, c'est tout. Ils auraient dû te mettre toi à la place. Non, jamais, jamais. T'aurais été à ton avantage. Jamais de la vie. Ah oui, mais là, le film qu'on va faire à Schizophonia, c'est pas vraiment des vidéos, c'est des photos. Et puis, on n'est pas obligé de montrer notre visage. Ça peut être abstrait, ça peut être autre chose. Et puis, ça va partir de la radio. Et ça va, on va travailler sur le paranormal. Parce qu'il paraît que là, au cinéma, il y a une espèce de fauteuil qui, tous les matins, à 11h, on entend comme s'il y a quelqu'un qui regardait un film. Voilà. Il y a les docteurs. On va y aller, on va faire. Moi, je viens d'un... Il faut aller à 10h du mat, là, dans la salle. Mais on va le faire. Voilà, on va attendre. On va amener des micros pour entendre ça. Ouais. On va attendre, c'est qui est sur le fauteuil. Micro. Voilà. Ouais, parce que là, moi je viens d'un stage. Il est d'accord, vu les yeux qu'il fait, il est là. Il est d'accord. Ouais, on peut tous y aller. Élu domicile. Voilà. C'est André Malraux, c'est ça? Ouais, ça, André Malraux, lundi à 11h du mat. Il fait. D'accord. Et bien, qui veut s'asseoir sur le fauteuil lundi à 10h du mat? Je sais pas. C'est les gens du cinéma qui m'ont dit. Mais si vous venez à la radio lundi prochain, on va aller visiter les lieux. Oui, mais un fantôme est assez intelligent pour ne jamais montrer quoi que ce soit. On n'entendra que le bruit, mais on verra rien. Ouais, mais t'y crois? Ouais, ils sont tellement rusés. Non, parce qu'il faut y croire. Parce que nous, on y croit qu'il y a vraiment quelqu'un sur le fauteuil. Apparemment, un phénomène paranormal, c'est ça, c'est de laisser dans le doute. Parce que ça, le fantôme ne montrera jamais qu'il existe. D'accord, c'est comme le diable en fait. Sa stratégie, c'est de faire croire qu'il n'existe pas en fait. C'est comme un poltergeist. Un poltergeist, c'est, ça, c'est un esprit en fait. Frappeur. Ça cogne dans le mur, mais tu peux aller de l'autre côté, tu ne verras rien. Voilà, et c'est comme le mal en fait. Il te fait croire qu'il n'existe pas, mais en fait, il est bien là. Mmh. Ouais, voilà. C'est comme un certain président de la République aussi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Paranormal. Mais là, j'étais dans un stage dans le Pyrénées, là, quand j'étais pas là à la radio, il y a 3 semaines, sur justement le deux gens, Michael Exposito et Carl, Michael Housewolf, qui travaillent depuis des années sur le, c'est l'appel en anglais, l'electronic voice phénomène. Ouais. C'est-à-dire que tu enregistres quelque chose, un son d'un truc, et après, quand tu les coupes ou tu les mets à l'envers, tu accélères, tout ça, tu entends des phrases, tu entends des voix. Ou alors des photos, ou quand ils filment. Il y a des gens qui font les films. Mais voilà, donc on va travailler sur ça cette année. Donc je vous invite à venir à la radio Schizophonie, aller lundi, là-bas, à la Colombière, 4 cours de la République, parce que cette année, on va travailler justement sur comment capter le paranormal. Je sais que Kevin va venir, parce qu'il est un spécialiste. Mais enfin, moi, par exemple, j'ai mis des micros. On est allé dans un château Qatar. C'est à quelle heure? 11h. Non, moi, je suis la flemme. De 11h jusqu'à 13h. Mais après, dans le futur, à partir de 2025, on va essayer d'ouvrir le samedi après-midi. Parce qu'il y a certains gens qui ne peuvent pas le matin, comme toi, et les stars s'élèvent tout après-midi. Hein, vous savez, hein. Ah, c'est pas forcément tard. Moi, le matin. Moi, le matin, on prend le petit déjeuner, tu vois. Ouais, mais tu peux venir prendre le petit déjeuner avec nous. Hein. C'est où tu peux le redire Oui, c'est la radio Schizophonia, c'est le lundi et le jeudi à 11h à la Colombière. C'est 4 cours de la République à Bondy. Ouais, c'est entre l'église et le cinéma, justement. Il y a l'église, il y a le. Y a c'est la où c'est rez-de-chaussée. Tu rentres, tu tournes à gauche, là, c'est ça? Tu tournes à droite. Et tu vas. La radio, c'est au troisième étage. Tu rentres par la place de parking, là. Tu ouais. Par la petite porte blanche. Ouais, tu peux rentrer. Soit tu rentres par le CTTP. Tout le monde rentre par là. Ou soit tu veux monter. Ou tu peux monter l'escalier. Non, pas les escaliers, la petite porte après. Tu vois? Ouais, ouais, tout à fait. Mais là les gens d'Iris Messidor, qui étaient avant à l'escalier, ils sont partis. Donc on a tous les bâtiments pour nous. Il y a plein de fantômes. Ça a changé, ouais. Micro. C'est à côté de Iris Messidor. C'était justement au bâtiment d'Iris Messidor. Mais Iris Messidor, ils sont partis maintenant, ils sont déménagés à côté de la gare. Et nous, on a tous les bâtiments pour nous et on a installé déjà une batterie là-haut. On va installer une radio FM tout au top. Et la radio, juste après, on va faire des ateliers de yoga, des mouvements du corps, d'aïkido, etc. Et on va peinture, sculpture, etc. Jardinage. Et on a eu la chance d'avoir cette label Santé Culture avec le cinéma Malraux. Et on va travailler sur le paranormal. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis allé me former sur comment capter le paranormal et plein de choses. Et c'est hyper intéressant. Hein. Ça rassemble beaucoup aux gens qui entendent des voix. Quand tu entends des voix, des fois, tu entends un bout de phrase et tu le lis comme si c'était un message. Et ces gens-là, ils font ça. Ils captent un son et après, ils coupent un petit morceau, ils l'accélèrent et puis ils entendent des phrases. Et nous, il a montré quelqu'un. Voilà, comme des gens qui sont. On les croit morts, comme on dit qu'il y a des gens qui sont morts, mais en fait, leur esprit se balade toujours. Il y en a qui voient des ombres, il y en a qui prennent des photos, ils voient des ombres, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est intéressant, mais ça peut être flippant. Bah, c'est flippant si vous le gérez juste dans un côté sombre. Mais il y a une discipline qui s'appelle l'archéoacoustique, qui on dit que dans chaque corps, il y a une espèce de mémoire. Il y a une entité, c'est ça. C'est comme vous voyez dans les caves, dans les peintures rupestres, dans les grottes. Les revenants. Oui, et pas seulement pas seulement des gens, hein, ça peut être des sons je sais pas, de la mer, des insectes, des autres. Ça peut être un bruit aussi. Je me suis allé enregistrer une cascade, ça s'appelle la cascade d'Ars, au bord de la frontière entre les Pyrénées, entre l'Espagne et la France. J'ai mis un hydrophone en bas, il y a un géophone à côté, et j'entendais à un moment donné comme une espèce de roman. Quelqu'un qui parlait comme ça. Oh, c'est et en fait, c'était l'eau ou c'était vraiment quelqu'un? Je vais vous montrer la prochaine fois, si vous voulez, je vous l'amène. Vous m'aidez à déchiffrer. Parce que je savais que c'était comme un récit, comme quelqu'un qui lisait un roman, mais dans une langue inconnue, d'une époque inconnue. Voilà, donc on va capter un peu l'invisible. On va parler aussi l'invisible, et on va parler aussi de la culture de l'invisible, mais dans différentes communautés. Parce que chez nous en Afrique, là, ce qui s'est passé, on aurait dit que c'est un esprit de l'eau qui vous a parlé. On appelle ça les mamies Wata, on appelle ça les sirènes. Donc voilà, et moi, je vous crois complètement. La sirène, c'était l'eau. La sirène, ça t'intéresse? Oui, la fermière. C'est pour ça que je vous dis, c'était l'eau ou c'était vraiment un esprit de l'eau qui était là? Bah, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ça. Enfin, j'enregistrais souvent l'eau avec des hydrophones, des micros qu'on met dans l'eau. Mais c'est vrai que le fait de prêter oreille à ce type de phénomène, ça nous fait écouter autrement les choses. Donc j'ai entendu plein de trucs. Et puis chaque personne d'entre nous a montré ce qu'il a trouvé. D'accord. Il y a quelqu'un qui montrait une phrase de sa mère qui était morte il y a 2 semaines. Et puis il y a quelqu'un qui entendait « ta mère est morte ». Un truc comme ça, vous voyez. Où... C'est pas vrai. Moi j'ai entendu aussi, j'ai enregistré une voix qui disait « hirondelle ». Et puis, je sors de lieu d'enregistrement, je vois plein d'hirondelles comme ça au-dessus de moi. Donc, il y a des petites voix qui sont dans partout. Mais docteur, vous avez grandi dans cette culture ou pas? La culture des voix Du paranormal, du parapsychisme. Bah, je m'intéresse à tout ce qui est... et tout. Je m'intéresse à tout ce qui n'est pas normal, en fait. Parce que la normalité, c'est... Je pense que la normalité, c'est une maladie. C'est vrai? Ouais, je pense que l'être normal. Bah, je les vois tous les jours, hein, les gens normaux. Hein, ils sont chiants, hein, docteur. Hein. Je me balade sur Paris, j'ai envie de mourir. Hein. Bah, c'est pour ça que je préfère être là, dans des lieux où les gens ne sont pas normaux. Je sais pas. J'ai bousculé une dame dans le bus, je fais excusez-moi. Elle fait non, mais vous m'avez bousculé, donc. Et là, j'ai crié ta gueule et je suis partie m'asseoir. Donc. elle monte avec la poussette derrière, déjà tu fais chier. Donc voilà, tu bouscules les gens, t'es prioritaire parce que t'as une poussette qui ressemble à un tank. Donc moi je fais quoi? Bah je me pousse un peu et je l'ai un peu frôlé. Elle me fait oui madame, ça se fait pas, j'ai crié ta gueule. Et je suis partie m'asseoir dans le fond. Donc voilà, elle a pu parler du trajet. Enfin, donc voilà, pareil, enfin je sais pas. On se croirait au lycée un peu. Je sais pas, les gens sont chiants. Ils ont coché toutes les cases. Donc les gens qui n'ont pas coché toutes les cases comme moi ou comme certaines personnes ici, bah du coup on est considérés comme des anarchistes. Mais ceux qui ont coché toutes les cases, ils sont pas un peu chiants, docteur? Bah, le monde est un peu gouverné par un paquet de normaux, hein, des normopathes qui font la guerre, ils sont en train de détruire la planète. Ouais, mais le fait d'avoir coché toutes les cases, se sentir inférieur à nous parce qu'ils ont un salaire, parce qu'ils ont une maison, un jardin, une voiture et que tout est parfait, et nous voir comme des chieurs, or ceux qui font chier, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, vous êtes tous bienvenus à... Ouais, c'est vrai, j'ai dit ta gueule, je suis partie m'asseoir. Ouais. Elle a rien dit, docteur, elle a rien dit. C'était pas son jour, et puis c'est tout. C'est comme il y a un gars qui m'a frôlé, je lui dis bon... Je sais pas, c'est... La normopathie, vous dites? Ouais, les normopathes. Les normopathes. Ouais. Ouais. Pour ça, je lui dis, je suis sortie avec des gars qui se croient normaux, mais non, ils sont perchés. Je connais des gars, ils devraient venir consulter, c'est pas possible. Les normaux, c'est le pire. Ah ouais. Ouais. Le bédo, l'alcool, tout ça, ça va 5 minutes. La drogue, tout ça, là. Ouais, alors non, ils devraient venir consulter. C'est pas clair. C'est pas clair. Concentré, tout ça, là. Des fois, ils sortent des trucs où mes parents ont divorcé, donc je suis là, bon. Et puis tout de suite, non, tout va bien. Vous avez raison, c'est une maladie. Mais même tous les phénomènes qu'on a, des fois, d'entendre des voix, de faire des choses, c'est peut-être c'est de l'art, c'est une communication, une fréquence avec des entités invisibles. Oui, mais nous, on le sait, eux ne le savent pas. Mais donc, c'est voilà. Pour ça qu'on est là, pour faire la radio, pour les normes, communiquer, transmettre on ça. On est dingue. Vous voyez ce que je veux dire, docteur ? Entendre des voix, c'est pas normal aussi. Bah, ça existe. Tu sais, les prophètes entendaient des voix, les artistes entendent des voix, Jeanne d'Arc entendait des voix. On entend des voix, mais si ces voix, elles te hantent, elles te rendent pas bien. Là, oui, mais c'est pour ça qu'il faut les apprivoiser et qu'il faut essayer de... Moi, c'est comme si c'était une antenne radio qui capte une fréquence de qui n'existait pas encore l'appareil pour les transmettre. Imagine quelqu'un, il entend une voix, on lui dit « je vais te tuer ». Oui, ça existe, ouais, mais mais peut-être il a mal entendu, il a mal lu le message. Peut-être il a dit je t'aime. Et il entend je veux te tuer, mais si tu manipules la voix, tu le changes. Je t'aime. Voilà. Je t'aime. Je t'aime. Pas. Il est 18h, c'est Radio Métanoïa à la semaine dernière. Vas-y, Kevin, tu veux dire quoi? 18h, je dois descendre, je suis en bas. À la semaine prochaine, les paranormaux. À la prochaine. Tes fesses. Équipe. À la semaine prochaine. À belle équipe. Finish. Bon, c'est sympa. C'est sympa une émission de radio.